بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا اليوم سندخل في سورة الأعراف. سورة الأعراف après que nous avons terminé الأنعام pour le درس précédent. فندخل في المسألة الرابعة وسبعين 74e مسألة في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Dans le sens où Allah dit que certes nous allons interroger ceux à qui nous avons envoyé les messagers, et nous allons certes interroger les messagers. Verset 6. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله تعالى يسأل جميع الناس يوم القيامة ونظيرها قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Donc là maintenant ce noble verset nous démontre que Allah Azza wa Jal va interroger tous les gens le jour du jugement. Également parmi ses paroles dans le sens où il dit « Par ton Seigneur, nous allons certes tous les interroger à propos de ce qu'ils ont commis. » Al-Hijr, verset 92 et 94, 93. Et sa parole où il dit « Et arrêtez-les ou tenez-le debout, ils seront certes interrogés. » Al-Safat, les rangs, verset 24. Et sa parole où il dit « Le jour où ils appellera et il dira « Qu'avez-vous donc répondu aux envoyés » Al-Qisas, les comptes. Verset 65. Avahu. ثم قال رحمه الله تعالى وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى فيومئذ يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وكقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Donc il dit on a d'autres versets qui eux pourtant laissent apparaître l'opposé de cela, comme quoi qu'il n'y aura pas d'interrogation ni de questionnement, comme ça parle dans le sens où il dit et ce jour-là, l'homme et le djinn ne seront pas interrogés à propos de ses péchés. Il ne sera pas interrogé à propos de ses péchés. Surat al-Rahman, verset 39. Et sa parole lui dit que les criminels ne seront pas interrogés à propos de leurs péchés. Les comptes, verset 78. Faqal. Al-Jawabu an hadha min thalathati awjuh. Donc, trois façons de répondre à cet ishkel. الأول وهو أوجهها للدلالة القرآن عليه وهو أن السؤال قسمان. Donc la première réponse, c'est celle qui paraît comme étant la plus propre et la plus proche de la vérité, car elle est appuyée par le Coran. وهو أن السؤال قسمان. C'est-à-dire que la question, l'interrogation qui aura lieu est de deux sortes. Elle sera de deux sortes. يوم القيامة. سؤال توبير وتكريع. وأداته غالبا لما وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل. Donc il dit déjà il y a la première question, forme de question, celle qui est la question de réprimande et de reproche dans le Coran que Allah y fait, et que souvent cette question là est employée par le terme lima, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi. Et après il y a la sou'el d'interrogation en demande d'information. Et celle-ci, souvent, est employée par le terme « est-ce que ?»« Hel ?»« Est-ce que ?» Ce sont les deux formes d'interrogation, de questionnement qu'il y a pour les gens « yom al-qiyam ». قال « فالمثبت هو سؤال التوبير والتكريع والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. » Donc maintenant, le questionnement qui est affirmé par les versets, c'est le questionnement, celui en guise de réprimande et de reproche. Celui qui est par l'ima. Et celui qui est récusé, qui est nié par les versets, est celui de demande d'information. Celui qui est employé par est-ce que. ثم قال وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم الممسوس في القرآن كله توبيخ وتكريع كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تتناصرون ولا تناصرون الصافات. Maintenant, le Coran nous démontre cela, c'est-à-dire ce taxime cité, et que les questions qui leur seront posées sont textuellement mentionnées dans le Coran, toutes en guise de réprimande et de reproche. Comme sa parole le dit, tenez-les debout, ils seront certes interrogés. Qu'avez-vous donc à ne pas vous secourir mutuellement les uns les autres? As-Saffat, versets 24 et 25. Wa qawlihi afasihrun hadha am antum la tubsirun. Est-ce que cela est de la sorcellerie ou bien vous ne voyez pas? Et sa parole quand il dit Alam yatikum rusulun minkum, ne vous est-il pas donc parvenu des messagers de vous-même? Al-An'am, verset 130. Kakoulihi Alam yatikum nazirun, ne vous est-il pas parvenu d'avertisseur? Al-Mulk, verset 8. Il réalise alika min al-ayat. Donc là, il donne des exemples de questions qui ont lieu, qui sont cités dans le Coran, des questions de réprimande. وَسُؤَلُ اللَّهِ لِرُسُلْ مَعَذَا أُجِبْتُمْ لِتَوْبِيخَ الَّذِينَ كَذَّبُوهُمْ كَسُؤَلْ الْمَوْؤُودَ بِأَيْذَنْ بِنْ كُتِلَتْ لِتَوْبِيخَ قَاتِلِهَا. Maintenant, la question d'Allah Azzawajal aux messagers, lorsqu'il leur dira « Qu'est-ce qui vous a été répondu ?» Surat al-Ma'ida, verset 109. C'est une question de réprimande pour ceux qu'ils auront démenti, et non pas pour les messagers eux-mêmes, qui eux auront, bien évidemment, accompli leur tâche. Comme par exemple la question qu'il pose à cette fille qui était enterrée, vivante, dans Surat al-Takwir, lorsqu'il dit la jeune fille, ou le bébé enfant, la fille, pour quel péché a-t-elle été enterrée vivante? Et cette question-là, elle est pour qui? En guise de réprimande, pour ceux qui l'auront tué. Donc ça, c'était la première réponse que le shir a donnée par rapport à ça. D'accord? Que le questionnement est de deux sortes. Celui de reproche et celui de demande d'information. Celui de reproche est celui qui sera affirmé. Et celui de demande d'information, celui qui est nié par les versets. Thumakol, Awajathani, deuxième façon de répondre. Anna fil qiyamati mawaqif muta'addida. Fafi ba'diha yus'aloun. Que yom al-qiyama, il y aura différentes situations, différents événements, différents moments. À certains moments, ils seront interrogés et à d'autres, ils ne le seront pas. Ça, c'est une réponse. Wa al-wajh al-thalith wa ma dhakarahu al-halimi min anna ithbat al-su'al mahmoulun ala al-su'al an al-tawhid wa tasdiq al-rusul wa adam al-su'al mahmoulun ala ma يستلزمه الإقرار بالنبوة من شرائع الدين وفروعه ويدل ذلك ويدل لهذا قوله تعالى فيقول ماذا أجبتم المرسلين والعلم عند الله تعالى. Troisième réponse qui a été apportée par Al-Halimi, c'est que le questionnement qui était affirmé, c'est celui qui concerne le tawhid et le fait de croire aux envoyés. Le tawhid, le fait de croire aux envoyés. Et les questions auxquelles ne seront pas interrogés, ces gens-là, c'est ce qui concerne le fait de reconnaître la prophétie ainsi que la législation et toutes ses branches. C'est-à-dire ce qui concerne les actes. Et donc la première, c'est plutôt ce qui concerne la croyance en soi, et l'autre, en fait, ce qui concerne les actes. Ils ne seront pas interrogés pour cela. D'ailleurs, ça, c'est peut-être le call de ceux qui voient que les koufars ne sont pas mukallafouns. Ils voient que les koufars ne seront pas interrogés pour le fait de ne pas avoir fait salat et de ne pas avoir fait le siyam pendant Ramadan et d'avoir commis des choses interdites. Mais d'alcool, yani ou al marjour fil haqiqa. En réalité, le call plus fort, c'est que les koufars sont mukallafoun. Donc, qu'est-ce qui prouve ce wedge, la parole d'Allah dans le sens où il dit? Il dira, qu'avez-vous donc répondu aux messagers? C'est-à-dire du fait qu'ils sont venus avec le tawhid. Qu'avez-vous donc répondu au messager? Naam. Wa al-'ilmu 'indallahi ta'ala. Donc là, c'était la réponse apportée par rapport à ce verset. Naam. Wa bi'adl al-qawl naktafi wa alhamdulillahi rabbil alamin.